Sur souhaiter à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. La première. Il est 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens. Bonjour Pierre-Yves. Ah, bonjour à tous. Les étudiants de Louvain-la-Neuve ont donc confirmé ce matin l'annulation des 24 heures vélo qui était prévue les 26 et 27 octobre prochains. Le coût de la sécurité explose. Les forces de l'ordre exigent que chaque concert soit organisé dans un espace clos et surveillé. Dans les années précédentes, c'était finalement une grande activité sur une énorme surface et c'était au niveau de la protection, en tout cas telle qu'elle a été définie par rapport à des concerts, c'était infaisable, tout simplement infaisable et irraisonnable si on voulait effectivement appliquer des normes de sécurité. Dès lors, le compromis avait été de définir grosso modo trois zones assez vastes qui permettaient plusieurs concerts, même dans les mêmes zones, avec des points barres, avec des camions pour amener des nourritures. Donc tout ça était faisable, mais nécessitait néanmoins, si on veut, trois zones particulières de protection et qui permettait ainsi de répondre finalement aux directives ministérielles et sur le terrain concrètement d'améliorer la sécurité. C'est un événement organisé certes par des étudiants, mais c'est un événement à caractère privé et donc il revient à l'organisateur d'assurer un minimum la sécurité et non pas de reporter tous les efforts de sécurité sur l'ensemble de la collectivité. Le chef de zone de la police interrogé est par François Louis. L'ex-trader français Jérôme Kerviel doit payer 1 million d'euros à la Société Générale, décision de la Cour d'appel de Versailles en France. 1 million d'euros, c'est beaucoup, mais toujours moins que les 4,9 milliards décidés lors d'un premier jugement en 2014, jugement qui avait été cassé. Le président de la Cour a dit que la juridiction l'avait déclaré partiellement responsable du préjudice causé à la Société Générale. On l'accuse donc d'avoir fait perdre 4,9 milliards à son employeur alors qu'il était trader. La Cour n'a pas suivi les conclusions de l'avocat général cette fois-ci, qui avait recommandé le 17 juin dernier de rejeter intégralement la demande de compensation de la banque. En Syrie, la grande ville d'Alep, au nord du pays, est pilonnée sans relâche depuis hier soir. Ce sont les quartiers tenus par les rebelles qui sont visés. Un tapis de bombes pour préparer une offensive terrestre. La reconquête d'Alep est devenue une priorité pour le gouvernement de Bachar el-Assad, puissamment soutenu par l'aviation russe. Mais Françoise Walmack, pourquoi cette ville est-elle aussi stratégique? Mais d'abord, Alep, c'est une des plus anciennes villes du monde. Elle a au moins 4000 ans. La beauté de ses souks était réputée, tout comme sa citadelle, classée par l'UNESCO. Les deux sont partiellement détruits. Au début de la Révolution, cette grosse ville bourgeoise et industrielle s'est tenue à l'écart du mouvement de contestation. Mais à l'été 2012, l'armée syrienne libre, c'est-à-dire l'opposition à Bachar el-Assad, s'empare de la moitié est de la ville. Alep est depuis lors coupée en deux. À l'est, donc, des groupes rebelles, soutenus désormais par des groupes islamistes. 300 000 civils vivent dans cette partie de la ville. Et à l'ouest, il reste 1 200 000 habitants défendus par l'armée syrienne. Jusqu'à cet été, les rebelles avaient une route qui leur permettait de s'échapper vers le nord et de s'approvisionner vers la Turquie. Mais cette route est coupée depuis cet été. Les groupes rebelles sont donc coincés à l'intérieur. La reconquête d'Alep permettrait au régime syrien de reconstituer ce qu'on appelle une Syrie utile, c'est-à-dire un territoire continu comprenant l'axe Damas-Homs-Alep étendant jusqu'à la Méditerranée. Le régime refuse de l'admettre, mais en fait, il a perdu 2/3 de son territoire, contrôlé désormais par l'organisation terroriste État islamique ou encore par les Kurdes au nord du pays. Des nouvelles rassurantes concernant Vincent Kompany. D'après les premiers examens médicaux, le défenseur des Diables Rouges ne souffre que d'une fatigue musculaire à l'aine. Il ne s'agit donc pas d'une rechute due aux blessures précédentes. Mercredi soir, le joueur belge de Manchester City disputait son premier match après 4 mois passés à l'infirmerie. Blessé, Vincent Kompany avait quitté le terrain dans les arrêts de chute. Les Chinois en colère. Une partie, du moins une portion de la Grande Muraille de Chine a été rénovée. Jusque-là, tant mieux, sauf que la manière n'y est pas. 8 km de murailles ont été entièrement recouverts d'une épaisse chape de ciment gris. On dirait l'œuvre de gens qui n'ont même pas terminé l'école primaire. Ce sont les mots d'un internaute chinois. Et il conclut, au vu du résultat, autant faire exploser tout ça. La section en question est située dans une province du nord-est du pays. Elle avait été édifiée en 1381 sous la dynastie des Ming. Elle est désormais considérée comme l'une des plus belles. Elle était jusque-là plutôt considérée comme l'une des plus belles parties de la Grande Muraille. Merci d'être avec nous et bel après-midi. Toute l'info est sur rtbf.be. Et à 16h04, je vous laisse avec Walid et toute sa bande. Merci Pierre-Yves, retour de l'information tout à l'heure à 16h30. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux, soyez les bienvenus. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Une phrase va défiler sur cet écran. Gustav Van der Smissen. Répétez. Gustav Van der Smissen. Alors. Dites, il va encore bien votre Commodore 60. Oui, c'est vrai. Technologie, monsieur. C'est pas moi les contrôles psychiatriques lors des procédures. Non, c'est à des premiers à avoir tué sa femme ça. Dans un hôtel. Eh ben. C'est le premier député belge à avoir tué sa femme. Moi, je dis drame d'une époque où en zonant en pyjama dans son salon, en deux clics, on finit par se prendre pour Jean Moulin. D'où la question que je pose ici solennellement devant vous tous, chers amis, d'où ça vient? Eh bien, j'ai la réponse. Illustration par un petit sketch irrésistible. Musique. Et oui, chers auditeurs, exprimez-vous, parlez, intervenez, ne soyez pas timides, soyez au taquet sur la balle, votre point de vue sur l'actu, toute l'actu nous intéresse. Votre point de vue sur les fuites de gaz, sur la Corée du Nord, sur le prix du diesel, sur l'île de Pâques, on s'en fout, ça nous intéresse. On en a peu parlé à l'époque, mais notre pays était déjà candidat au Conseil de sécurité en 2016. Alors ça n'a pas super bien marché, hein, vu que sur les 128 voix requises, on en a obtenu une seule. La nôtre. Oui, c'est ça. Syndrome du mec qui s'auto-like. Voilà. C'est un rappel de l'auto-like, exactement. On va demander à Michael Albas la mort de Chirac, ce tweet que Christine Boutin assume. Chirac, le retour. À droite, on fait souvent voter les morts. Ouais, c'est pas faux. J'avais aussi Giscard va mieux. www.concert100%.be. Voilà, 100% Sounds for Research à la Madeleine à Bruxelles, dans le cadre bien d'une association, une ASBL, le Fonds Ariane. Pour la soirée 100%, c'est 30 euros si vous voulez y aller, et ces 30 euros iront directement. Mais c'est 3 fois moins cher qu'un concert de Michel Sardou. Ça valait la peine d'être soulevé 15 fois meilleur. Virginie Efira, bonsoir. Vous faites vos cartons, direction la France, l'autre pays du chômage. Dans lequel vous trouvez directement du travail, ce qui aujourd'hui vous vaudrait une légion d'honneur pour service rendu à président en perdition. Vous n'avez plus peur des rendez-vous en terre inconnue, émission à laquelle vous participez et qui emmènera prochainement Jean-Marc Morandini en Chili, pays qui depuis un fâcheux accident du travail ne compte plus aucun mineur. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête, restez presque sérieux. Avec Walid. Mais dites donc, mon vélo. Eh oui, la mauvaise nouvelle est tombée hier soir. Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve tombent à l'eau. Eh oui, des étudiants qui ne supportent donc plus la pression. Ah, tout se perd, mon bon monsieur, tout se perd. Et eux, ils sont comme un phare dans l'ennui. Voici votre bande réfléchissante. Elle est un peloton à elle toute seule. Un peloton d'exécution, évidemment. C'est signé Zarelli. Bonjour. Mais dites donc, bonjour. Mais dites donc. Petit plateau, grand plateau, peu importe. Hein, il nous sert l'actualité à toute vitesse. C'est un cool hein, de première catégorie. Cool de première catégorie. C'est Fred Dubus. Bonjour Fred Dubus. Bonjour, et je suis sans dopage. Alors c'est dommage pour une fois qu'il pouvait combiner ses deux passions, le vélo et... Allez, allez le vélo et... j'ai oublié. C'est quoi et les études. Et les études, voilà, c'est ça. Edgar Schott est avec nous. Bonjour Edgar. Bonjour Walid. Il nous amène toujours des histoires bidons, c'est notre petit porteur d'aux, Vincent Flibus. Je déteste Louvain-la-Neuve. Ah, de bœuf, de sanglier, de biche, il avale tous les pavés et à une telle vitesse, bien on l'a surnommé Papy Roubaix. Papy Roubaix, c'est Raoul Reyers, bonjour. La bicyclette. Oh. Hey, Yves Montien. Et on va faire une imitation de Yves Montien après. Tiens, elle, c'est notre rustine nain à nous, oui, c'est celle qui nous aide à préparer cette émission. Carole Baquet, notre assistante. Et puis, travail à la chaîne oblige, il faut un réalisateur et il est là, c'est Laurent Nélissen qui a préparé cette émission pour vous. Ravi de passer cette fin d'après-midi. On va essayer de ne pas dérailler. Ah ben, on va essayer. Bon, ça a bien commencé, donc il n'y a pas de raison qu'on ne déraille, mon cher ami. Et dans la suite, eh bien, on va être presque sérieux, je le disais, l'actualité, ce sont eux qui la font, et c'est avec vous que nous en rions. Bienvenue dans cette grande boucle de l'actu. Mais à force de courir, pas courir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Ah, quel plaisir d'être avec vous en ce vendredi. Ça a vieilli, Bourville, quand même. Ça a vieilli, mais c'est toujours aussi poétique. Voilà. C'est sympathique. Ça plaît aux femmes. C'est sympathique. Oh, c'est le principal. Vous pouvez me refaire un petit Yves Montand, Raoul? La bicyclette. On jurerait qu'il est là. Ah, il est énorme. Ça. André Lamy sort de son corps. La bicyclette. Tiens, on va vous offrir des cadeaux. On va vous envoyer à l'Eurospace Center de Rhodes du 4 entrées pour l'un ou l'une d'entre vous, ainsi qu'une double compilation, Les Grands du Jazz. Nous jouerons ensemble au Qui a dit d'ici une bonne vingtaine de minutes. Qui aurait pu dire « Je pense que je l'ai fait ». À votre avis, des propositions que nous vous ferons et des cadeaux à la clé pour vous. Des cadeaux également sur la page Facebook de l'émission. On vous envoie au théâtre de poche pour une belle pièce, Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, n'hésitez pas à cliquer et à devenir membre de la grande communauté presque sérieuse de la première. En attendant, avant de vous parler de la une du jour, intéressons-nous à ce qui va se passer durant 7h30. Oui, on ira faire un petit tour du côté du Canada avec Cindy Aizarali. Fred Dubus nous parlera du dessin qu'il n'a pas fait. Un nouvel épisode du Margengate avec Edgar Schotz, des histoires de Vincent Flibustier. Tiens, on plongera également dans l'avenir avec une question. Et si la vie était une télé-réalité? On s'intéressera également à l'actualité, aux histoires de Vincent Flibustier, une agence de presse. Cette émission est fournie. C'est pour un vendredi, c'est... C'est chargé. Tout ça en une heure et demie. Effectivement. Et maintenant, c'est parti, la une du jour. C'est la une. Et en musique, s'il vous plaît, écoutez attentivement les deux morceaux que voici. Orchestre du Splendid, Radio Pirate et Queen, We Are The Champions. Alors, pour quelle raison We Are The Champions? Oui. C'est une étude. Alors, c'est une étude... Je sais pas. C'est un rapport, c'est pas une étude, c'est un rapport. Un rapport sexuel, non, avec Freddie Mercury. Non. C'est sur la santé. C'est bien pire. Non, c'est sur la santé... Non. De la reine Mathilde. La reine Mathilde, championne du monde de quoi? Non, Queen. De rapport. Ah, Queen, la reine Mathilde. Non. La Belgique est championne du monde de quelque chose. Elle est championne du monde de quelque chose, oui. Du rapport. Ils font des bons rapports. Mais c'est positif ou négatif? De bonnes études. Ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui. Hein. Ça dépend où on se place. Un champion du monde de l'évasion fiscale. Alors, on parle de fisc, effectivement. On parle des inégalités fiscales. Qui dit inégalités? Les pauvres sont plus pauvres et les riches plus riches. Et les moyens sont plus moyens. Alors, on parle de réforme fiscale. Championne des réformes fiscales, la Belgique fait partie. Ah oui, mais on avait trouvé. Des pays occidentaux qui ont mené donc les plus importantes réformes fiscales en 2015. C'est ce qui ressort donc hier d'un rapport de l'Organisation de coopération de développement économique, l'OCDE. L'Autriche, la Belgique, la Grèce, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne sont les pays qui, en 2015, ont voté, adopté ou mis en place bien les plus importantes réformes fiscales. En Belgique, tout comme en Autriche et aux Pays-Bas, cela a concerné la baisse de l'impôt sur le revenu, censé normalement diminuer la charge de travail et raffermir dès lors le pouvoir d'achat, un des principes préférés donc, de l'organisation. Et ben, voilà, la Belgique et le fameux tax shift, l'augmentation des accises sur les carburants, sur la TVA. Parole gouvernementale. Bref, la Belgique est championne du monde des réformes fiscales. Et ça a le mérite d'être souligné quand même. Ça a le mérite d'être souligné. Et ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que tout a raté. C'est vrai. Parce que là, on est reparti, à mon avis, pour un moment, hein, puisque vous avez lu également dans la presse qu'on passe de 2,4 milliards à 4,2 milliards. La dyslexie. Dyscalculie, ouais, c'est ça. Deuxième extrait, deuxième info que nous recherchons avec le grand orchestre du Splendid. Est-ce qu'on parle du parti pirate? Alors, non. Ah. Est-ce qu'on parle de quelque chose de splendide? Alors, pardon, c'est splendide, non, ça on dépend de radio. On parle pas de radio, non. On parle de pirate. On parle pas de radio, pas de splendide, pas de pirate. Ah bah si, de pirate, si. De pirate. Alors si, on parle de pirate. De pirate des mers. Alors on parle pas de pirate des mers. Pirate informatique. Pirate informatique. De Yahoo. Ah, on parle de Yahoo, effectivement. 500 millions d'adresses. Effectivement, 500 millions de comptes piratés, probablement par une entité liée à un État. C'est ce qu'on apprend dans la presse aujourd'hui. Sans doute le Luxembourg. Yahoo, ouais, c'est ça. Il y a plus que qu'utilise Yahoo. 500 millions de comptes et de comptes ces caramel. Utilisateurs ont été piratés fin 2014. Les hackers ont volé des informations personnelles comme des dates de naissance. Ah, super, je vais prendre ta date de naissance, je vais en faire un truc. Des noms, des adresses électroniques, des numéros de téléphone ou des mots de passe, c'est ce qu'indique le groupe dans un communiqué. L'enquête n'a trouvé aucun élément qui montre que l'entité en question est actuellement présente dans le système informatique de Yahoo. Mais à votre avis, de quel pays pourrait s'agir? Bah, la Chine, La Chine ou les Russes? Ou les Russes, hein, oui. Ou la Corée du Nord. Peut-être les États-Unis. Eh bien, je ne sais pas. Dites voilà. Alors, si on m'a piraté mon adresse email, ils vont peut-être savoir que j'ai une fois acheté un truc chez Zalando. Ah, peut-être bien. C'est moche. Bon, maintenant que vous avez donné une marque sur le web, il va falloir en donner deux LDLC. Autres. Et quoi d'autre, allez? Et Presse Minister. Merci, Raoul Reyers. Dans la suite, on continue à s'intéresser à l'actualité en vous invitant d'abord à jouer avec nous. CPS au 6031-75 centimes le message, nom, prénom et adresse. 4 entrées à l'Eurospin Center de Roduit et une double compilation, les grands du jazz. Je pense que je l'ai fait. Qui aurait pu prononcer cette phrase? On fera des propositions, bien entendu, juste derrière les informations de 16h30. Mais avant cela, bien, peut-être une fois dans l'histoire avec Cindy Aizar Ali, dans un instant, c'est même tout de suite au Canada. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Essayez de conquérir le monde. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. 3 délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalles pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Etias, bonjour. Bonjour madame, je viens de rentrer dans une autre voiture. Rien de grave, monsieur? Non, j'ai juste trois enfants qui reviennent de l'école et une voiture qui ne roule plus. Écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. C'est rapide ça, j'aurai pas le temps de faire les devoirs. Les devoirs? Mais oui, pour une fois que j'ai les trois enfants bien assis et qui peuvent pas s'échapper. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. La Une présente le Vau Rire, le Festival international du rire de Liège. Du 20 au 23 octobre, 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, Le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vaurire.be, avec le soutien de la première. Ce dimanche 25 septembre, c'est le Loyalty Sunday chez Galerie Aino. Ne le ratez pas, vous profiterez de moins 20% sur une grande sélection de marques dans tous nos magasins. Tous les styles vous y attendent. En plus, les bons Loyalty sont acceptés, voire conditions en magasin. Galerie Aino, l'espace de style. Oh là là! La première. Mobile Info. Et c'est le moment tout de suite de faire un point sur vos conditions de circulation avec Fanny Gillard. Fanny, que se passe-t-il sur nos routes? Écoutez, on a pas mal d'encombrements, uniquement sur la capitale. Ça ralentit d'ailleurs pour vous y rendre sur le 40 venant de Gand entre Grand Bigard et Ternat. Ça coince du tunnel Arlois au tunnel Léopold II vers la Basilique, du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le Midi. On a toujours ce véhicule en panne sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Tervuren, voie centrale et droite neutralisée vers Zaventem. Et au niveau des temps de parcours du ring, en extérieur Zaventem Grand Bigard, vous perdez 25 minutes. En intérieur, Grand Bigard Zaventem, un quart d'heure perdu. Un peu plus loin, Zaventem Léonard, un quart d'heure également. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Dans quelques minutes, on s'informe à 16h30, le rappel des titres. Mais avant cela, intéressons-nous justement à cette actualité. Actualité de ce 23 septembre avec Cindy Aizar Ali, puisqu'après une décennie glaciale, le Canada et la Chine bien ont scellé hier leur rapprochement. Justin Trudeau et Li Keqiang ont annoncé leur volonté de lier leur pays par un accord de libre-échange et en instituant donc un sommet annuel des premiers ministres. Décidément, rien ne résiste à Super Justin. Aujourd'hui, la Chine, demain, qui sait, le monde. C'est reparti donc pour un nouvel épisode de Peut-être une fois dans l'histoire. Nous sommes le 23 septembre 2056. Le monde va mal. Mais bon, pas plus que d'habitude. Nous sommes en l'an 34 du calendrier trudinien. L'empire du Shinada règne sans partage sur 75% des territoires du globe. Aujourd'hui, l'empereur Justin, dit Justin l'Irrésistible ou le Roi des Neiges, fête ses 85 printemps. Enfin, printemps c'est un euphémisme. Depuis que le Canada a réduit la Chine à l'immobilisme économique le plus total, la courbe du réchauffement climatique a été complètement inversée, plongeant la planète dans un hiver éternel. Pourtant, cet accord de libre-échange aurait dû mettre la puce à l'oreille à la communauté internationale, hein, parce que convaincre les Chinois d'exporter tout leur riz au Canada en échange de sirop d'érable à bas prix, on courait forcément à la catastrophe sanitaire. La population chinoise mal habituée au sucre a été décimée par une épidémie de diarrhée fulgurante, mettant toute l'industrie chinoise en faillite. Alors ceux qui restent sont devenus complètement accros au sucre et ont été asservis au déneigement des routes du royaume en échange d'un shot de sirop d'érable de temps à autre. Alors maître des neiges et du sirop d'érable, aujourd'hui plus prisé que la cocaïne, il n'a pas fallu longtemps à Justin l'Irrésistible pour étendre son empire vers les États-Unis et jusqu'en Orient, et ce, réussissant même à négocier un pacte de non-intrusion avec la Russie. En effet, Vladimir Poutine, 104 ans et toujours en forme, s'est directement senti en confiance avec ce leader d'un pays à la météo glaciale et au fort taux de toxicomanie. Enserré entre le Shinada et la Russie, qu'advient-il de la Belgique ? Rien. Rien, parce que, étant donné que le froid, ça conserve, le pays est en statu quo glaciaire depuis 50 ans. Charles Michel tente toujours de nous convaincre que tout va bien. Le gouvernement recherche toujours ses 4,2 milliards d'euros. Georges-Louis Boucher cherche toujours un nouveau mandat. Et Willy Borsu clame à qui veut l'entendre que la Tartorie est de moins en moins en danger, vu qu'avec un froid pareil, elle peut désormais rester 127 jours hors du frigo sans risque d'intoxication aucune. Par contre, à la RTBF, ça va moins bien. Désormais dirigée par Dan Gagnon, grand consul du Shinada en Belgique, la radio-télévision belge francophone vit de sombres heures. Le seul programme désormais disponible à la télévision est 168 heures sans chichi, où la momie de Joël Scorill s'est doublée en québécois. Le seul qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, eh bien c'est Raoul Reyers, le grand résistant rigolo, qui a pris le maquis dès le changement de menu de la cafétéria. Parce que oui, pour citer ses dernières paroles avant qu'il s'évanouisse dans les neiges, « Dans ma vie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'ai mordu la poussière, j'ai avalé des couleuvres et j'ai même rongé mon frein, mais jamais, bordel, au grand jamais, on ne me fera bouffer du caribou. » L'histoire, et l'histoire, on a rendez-vous d'ailleurs avec elle tout à l'heure avec Laurent Dehaussée, 23 septembre. Ah, c'est vrai que la Chine, le Canada, ça y est, c'est fait. Vrai, hein. Pardon ? C'est plus rigolo que la vraie émission. Ah ben, rendez-vous d'ailleurs lundi avec Laurent Dehaussée si vous souhaitez réécouter l'émission. À écouter hein, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il parlait de Gustave Van der Smissen, vous savez, ce député qui était d'ailleurs le premier député à avoir fait du mal à quelqu'un. C'est génial de rester dans l'histoire. Avoir vraiment tué sa femme, parce que faire du mal à quelqu'un, il y a dû en avoir d'autres après. Oui, mais, ouais. Mais voilà, c'est ça. Merci, Cindy Aizaraline, chronique à retrouver au même titre d'ailleurs que l'émission de Laurent Dehaussée hein, sur le rtbf.be/ovio. On continue à s'intéresser à l'actualité, les amis. Restez presque sérieux. Vous êtes sur la première. Just made a big mistake. concert le 17 février prochain à l'ancienne Belgique, Two Door Cinema Club sur la première Bad Decision. Hey, Raoul, ça fait du bien. C'est l'heure, c'est l'instant avant de nous informer à 16h30 avec Pierre-Yves Muggens. Retrouvons les insolites de Raoul. Qu'avez-vous déniché pour nous, Raoul ? On va dégager ça à coup de cric. Ah bon ? Ah non, ce serait plutôt... Guy, on va dégager ça à coup de cric. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Arnaud, un habitant de Uccle, qui trouve un peu bizarre qu'on ait placé un horodateur dans la rue, ah oui, à côté du trottoir. Oui, oui. C'est près de chez vous, ça, Fred ? Oui, mais ils devaient élargir le trottoir et ils vont élargir le trottoir après. Ah oui. Ils ont mis l'horodateur avant d'élargir le trottoir. C'est bon ? Enfin, voilà. Je pense surtout que c'est l'échevin des routes. Non, c'est très uclois, on prévoit. On prévoit, mais le mec, le Roumain qui est délocalisé, qui est venu placer le rodateur, à mon avis, d'accord. On lui a mal expliqué le problème. Tiens, de rodateur, en plus de ça, eux, ils ont décidé de baisser le montant, non ? Pardon ? Oui. Vous plaisantez ? Non, mais je vous dis... On paye 900 euros par an pour se garer. Non, mais ils ont diminué le montant des rodateurs, enfin du prix du quart d'heure, c'est ce que j'ai vu. Moi, je paye 50 euros pour me garer dans ma rue. Eh ben, dites donc. Oui, et si vous avez deux voitures, c'est par mois ? Non, par an. Non, par an. Et à Forêt, c'est 150. Oui, mais je ne peux garer que dans ma rue. Si je vais garer dans la rue à côté, ça ne va pas. Quoi, vous avez besoin de deux rues, peut-être ? Ah ben, parfois, on a besoin de deux rues. J'ai une grande voiture, vous savez. Et s'il n'y a pas de place dans votre rue, comment ça se passe ? Eh bien, il faut aller garer dans une rue à côté, mais alors il faut payer. Oh, ben, dis donc. En tout cas, il faut voir la photo de l'horodateur au milieu de la rue. Ah, on la mettra sur la page Facebook. Non, mais moi, je m'en fous, j'achète un garage. On va mettre ça sur la page Facebook. Ça me coûte moins cher que de payer. Une histoire bien belge, en tout cas, celle-ci, Raoul. Et bien en plus, une autre chose. Allez, autre chose. Toi aussi, tu as envie de partir, respirer l'air marin plutôt que les gazoles et bulldozers qui démolissent le viaduc tout près de chez toi ou qui réparent le tunnel la nuit ? Ah oui ? Hein, vous avez envie de changer d'air ? Eh bien, on parlait du Canada. Oh vous vous souvenez de cette île de Cap-Breton ? Oui. Au Canada, où les gens étaient ceux qui voulaient fuir Trump, les Américains, étaient les bienvenus. Oui. Eh bien, il y a encore un meilleur teasing maintenant. Ils vous offrent un emploi, un CDI, si vous êtes boulanger, si vous êtes charcutier, si vous avez envie d'aller travailler là-bas, vous avez une qualification. Et si vous travaillez là pendant 5 ans, vous recevez des terres. Je vais y aller. Donc c'est formidable. Et le est-ce que vous imaginez l'émission avec un bruit de mouette constant ? Mais bien sûr. L'air marin qui rentre par la fenêtre qui est ouverte. Mais par contre, il faudrait qu'on parle avec l'accent, quoi. Bon, ça, c'est pas difficile à essayer. Avoir. Essayez. Justement, je peux faire celui de Liège. Allez-y. Mais là, il n'y a pas la mer. Oui. Liège, Canada. C'est bien, c'est pas mal. En tout cas, merci Raoul pour ces deux histoires. On s'informe, nous, à 16h30 et on joue avec vous dans un instant au Qui a dit 4 entrées à l'Eurospace Center de Rodu. Ainsi qu'une double compilation, Les Grands du Jazz, 34 stars du jazz d'hier et d'aujourd'hui avec Miles Davis, Billie Holiday, Toots Thielemans. Une phrase extraite d'un quotidien, effectivement, qui aurait pu dire « Je pense que je l'ai fait ». À votre avis, des propositions que nous vous ferons, l'un ou l'une d'entre vous, sera tirée dans un instant, juste derrière les informations de Pierre-Yves Muggens, qui arrive tout de suite. Ça se passe sur la première. Demain, à 9h, un samedi d'enfer, avec Nicolas Beutars. Contrairement aux apparences patronymiques, l'éditorialiste François Langlais est français. De formation littéraire, sans être économiste, il est considéré comme une référence en économie. Il est donc à lui seul des chiffres et des lettres. Son compte est bon dans un samedi d'enfer. Un samedi d'enfer, 9h-10h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente, le Festival Saint-Jazz, les 23 et 24 septembre à la Jazz Station, une édition 100% belge, avec Drépal Marceva, David Thomas Trio, un concert unique des présidents des Lundis d'Hortense, Thomas Champagne Random House, Stéphane Mercier Quintet et la projection du film Mannequin Swing. Info, saintjazz.be, avec KBC Brussels. Nuit blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info, nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir et la première. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en... Vous voulez dire en septembre, conditions renversantes chez Mitsubishi ? Ça, c'est. Ok, d'accord. En septembre, chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Un vieil homme dit un jour, avec l'âge vient la sagesse. Mais pourquoi attendre ? Ce samedi, l'éco répond à 100 questions sur la pension dans le guide pension. Que prévoit l'État et votre employeur? Mais surtout, que faire par vous-même? Découvrez la réponse dans le guide pension ce samedi gratuit avec l'Écho. L'Écho, prenez de l'avance. Hello? Hello? Fuoco a mare. How many people? Un film bouleversant sur Lampedusa, le lieu d'entrée en Europe de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en quête d'une vie meilleure. Fuoco a mare, ours d'or du meilleur film au Festival de Berlin. Un film étourdissant, actuellement au cinéma. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. RTBF présente Mix City. Bruxelles, oh Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Coq-Off, BX1 et le soir. La première. 16h30. Vous informer, Pierre-Yves Meugens. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Près de 30 civils ont perdu la vie rien qu'aujourd'hui dans des bombardements à Alep en Syrie. Raid d'une violence inouïe selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il fait état de dizaines d'autres blessés lors de raids russes et de l'armée syrienne qui visent les quartiers rebelles de la ville. L'armée syrienne annonce une offensive pour reprendre la plus grande ville du pays avec des opérations au sol. 250 000 habitants vivraient encore à Alep. En France, la cour d'appel de Versailles condamne Jérôme Kerviel a versé 1 million d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale, c'est son ancien employeur, 1 million d'euros au lieu de 4,9 milliards ordonnés lors du premier jugement. La Société Générale, comme son ex-trader, ont salué cette décision et aucun n'a parlé de recours dans l'immédiat. Ça me donne de l'énergie pour continuer le combat, dit Jérôme Kerviel, qui espère ramener l'addition à zéro à la fin. La Société Générale réclamait 4,9 milliards d'euros à son ancien employé. La rage taxatoire du gouvernement de Wever Michel conduit à l'impasse budgétaire. Ce sont les mots de défi, des mots qui ne manquent pas dans l'opposition. D'ailleurs, pour critiquer le gouvernement sur l'ajustement budgétaire de 4,2 milliards pardon, au lieu de 2,4 annoncés en juin. Et quand on parle de déni, le CDH refuse que ce soit encore les familles et le citoyen qui mettent la main au portefeuille. Le gouvernement fédéral annonce une croissance et des recettes fiscales revues à la baisse, des dépenses plus importantes que prévues. Les ministres vont devoir ressortir leurs calculettes pour présenter leur copie à l'Europe d'ici le 15 octobre. Nous développerons tous ces titres dans les journaux et dans Soir Première d'ici une petite demi-heure. Belle soirée, je vous laisse avec Walid. Merci Pierre-Yves, retour de l'information tout à l'heure à 17h avec Diane Burgel-Vernet. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Dans un instant, on plongera dans l'avenir. Qui sait? Et si la vie était une télé-réalité? On vous en parlera d'ici quelques minutes. Le titre, en tout cas le dessin de presse que n'aura pas fait aujourd'hui et cette semaine Fred Dubus, on en parle également dans un instant. Mais pour l'heure, intéressons-nous à l'actualité. Oui, cette actualité que nous mettons... en musique, façon de parler, avec une phrase. Phrase que voici, je pense que je l'ai fait. Et pour jouer avec nous, il y a Jean. Bonjour Jean. Bonjour Walid. Alors vous êtes enseignant, vous venez d'Arlon, c'est bien cela? C'est ça, exactement. Arlon, chef-lieu de la province du Luxembourg. Alors Arlon et Tongres sont connus pour être les plus anciennes villes de Belgique. Savoir ça. Arlon. Et il y a un hymne également. Le régiment des chasseurs ardennais, Arlon. Quelqu'un peut le chanter autour de la table? Raoul. Tiens, voilà du boudin. Jean, jouons avec cette actualité, je le disais, avec cette phrase que voici. Qui aurait pu dire je pense que je l'ai fait? À la clé pour vous, 4 entrées à l'Eurospace Center de Roduit et une double compilation Les Grands du Jazz. Voici les propositions que nous vous faisons, à commencer par Cindy Isarelli. Je crois que je l'ai fait. Eh bien, c'est Laurent Louis qui a répondu ça quand on lui a demandé si c'était pas lui qui avait dessiné le Zizi de Saint-Gilles. Laurent Louis pour Cindy Isarelli. Je pense que je l'ai fait. Vincent Flibustier. Eh bien, c'est Tony Parker à propos d'un tacle, d'un clash avec Nicolas Sarkozy. Tony Parker. Quand ils ont joué au basket, un truc comme ça. Oui, ok. Tony Parker. Qui était le plus grand? Oui, bah ça. Alors, on va demander à Fred Dubus. Je pense que je l'ai fait. Absolument pas. C'est Nelly Cruz, la commissaire européenne qui avait une petite société aux Bahamas, quand on lui a demandé si elle avait déjà envisagé de se foutre de la gueule de 600 millions d'Européens. Il y en a peut-être plus de Je pense que je l'ai fait. D'accord. Voilà. Il paraît qu'elle adore le Porto. Raoul Reyes. Moi, je ne comprends pas du tout. Attendez, là, à ce moment-là... Gué savoir. Ah, pardon ? Le Porto Cruz. Ah oui, d'accord. Alors, attendez, maintenant qu'il a donné une marque, il est obligé d'en donner deux autres. Allez, Raoul. Sandoman. Sandoman, oui. Et une autre ? Tony, annoncé un truc. C'est pas en Porto, moi, c'est pas mon truc. Malheureusement. Je peux vous donner 17 whisky, mais en Porto... Prince. Je n'en connais que deux. Raoul. Oui, alors... Je pense que je l'ai fait. Quand l'infirmière de la Gaîté Salpêtrière a demandé ce matin à Jacques Chirac s'il avait pu aller au Water, il aurait répondu « Je pense que je l'ai fait ». Vous vous souvenez qu'il a quand même des problèmes de mémoire. Hein, Jacques Chirac pour Raoul Reyes. Ça paraît plausible. Ça doit tout à fait plausible. Et enfin Edgar Schott, « Je pense que je l'ai fait ». C'est plausible, mais c'est faux, puisqu'il s'agit bien évidemment de Bernard Westphal. « Je pense que je l'ai fait », mais il ajoute que, ayant un peu bu, il ne se souvient plus très bien ce qu'il a fait. Bernard Westphal pour Edgar Schott. Je pense que je l'ai fait. Jean, qui aurait pu prononcer cette phrase ? Laurent Louis, Tony Parker, Nelly Cruz, Jacques Chirac ou Bernard Westphal ? Ah, bonne question, mais on va faire dans le désordre, enfin dans l'ordre inverse. Alors, monsieur Westphal, c'est quand même pas bien de se moquer de quelqu'un qui a un QI de 83, hein, faut arrêter là. Donc, je ne pense pas que c'est lui, on va l'enlever. Allez, on l'enlève. Alors, Chirac... C'est pas bien de se moquer des vieilles personnes. Ok, on a compris. C'est pas bien de se moquer des vieilles personnes, je pense que je l'ai fait. Ok. Donc, c'est qu'il a peut-être d'autres problèmes que la mémoire, donc non, c'est pas ça. On va c'est pas Jacques Chirac. Ça. Il en reste trois, ouais. Laurent Louis, Tony Parker ou Nelly Cruz. On ne sait que choisir. Le Porto. Laurent Louis, on ne peut pas se moquer quand même des personnes déficientes mentales. Barroso, le Porto, ils sont bien foutus de notre gueule tous les deux. Ouais, ça pourrait être ça, mais non. Non, d'accord. Il en reste deux. Si on enlève les gens qui ont un QI de 83, on ne peut pas garder Laurent Louis. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Laurent Louis et Tony Parker. Eh ben, où il est ? Ah ben, il a disparu, Jean, apparemment. J'en ai plus avec nous, mais on va soit tenter de le joindre, mais il y était presque. Hein. Il était à deux doigts d'y arriver, entre Laurent Louis et Tony Parker. Eh bien, c'était Tony Parker. Effectivement, Tony Parker, je pense que je l'ai fait. Le meneur de jeu des San Antonio Spurs n'apprécie pas trop le dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy. Il s'en moque allègrement et pour cause, il déclare, je cite, « Moi, je suis né en Belgique, à Bruges, mère hollandaise, père américain, je suis la parfaite définition du fait qu'on peut être français en venant de n'importe où. Il déclare encore, « T'as pas besoin d'être né en France pour te considérer français, c'est à toi de le montrer avec tes actes. » Et je pense que je l'ai fait avec l'équipe de France. Tony Parker qui tacle effectivement donc Nicolas Sarkozy. Notre cher Jean repart, quoi qu'il arrive, avec quatre entrées à l'Eurospace Center de Redu. Il une double compilation pour partir, les grands du jazz. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour sur la page Facebook si vous souhaitez repartir avec d'autres cadeaux. On vous envoie notamment au théâtre pour aller assister bien entre le 27 septembre et le 1er octobre prochain à un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Cette pièce, très belle pièce que je vous invite à aller applaudir et voir du côté du théâtre de poche. Dans la suite, on s'intéresse à l'actualité, cette fois-ci avec Fred Dubus. Je vais montrer comment on peut dessiner des roses de façon semi-réaliste. Personnellement, je trouve cette petite fleur assez difficile à profiler. C'était Francis Cabrel. Ah, effectivement. Non, son frère. Effectivement, la cabane au fond du jardin. C'est Jean-Claude Cabrel. Quel est le dessin que Fred Dubus n'a pas voulu réaliser cette semaine ou qu'il a failli presque réaliser ? Oui, ben le dessin auquel vous avez échappé aujourd'hui, c'est un dessin de bite. Voilà. Je m'étais dit que dans la Libre Belgique, en page 2, une grosse bite. Bah ouais, ça aurait pu être un peu rigolo, quoi. Ouais. Mais je pense que curieusement, on peut faire ça sur un mur de 100 mètres carrés. On peut dire un zizi aussi, c'est plus. Mais je préfère bite. Ah, ok. C'est plus parlant. Vous l'avez pas mis dans la Libre, donc vous la mettez sur la première. Voilà, par exemple, je la mets ici. Ouais. Mais donc sur un mur, on peut. Mais curieusement, dans un journal, ça ne serait pas passé du tout. Ouais. Et peut-être probablement parce que je ne suis pas un vrai artiste. Mm-hmm. Pourtant, je veux dire, j'aurais pu faire ça. Et j'aurais dit que c'était de l'art, vous voyez, oui. Hein, que c'est un geste artistique, une lutte contre le bourgeois réactionnaire, une déconstruction des modèles pour interpeller, subvertir, interroger, provoquer, vous voyez, hein, ce genre de truc comme ça. J'aurais convoqué Joseph Beuys, Marcel Duchamp, parce qu'il faut toujours convoquer, hein, Keith Haring ou Pierre Kroll, je ne sais pas. Voilà. Non, n'empêche, donc vous l'avez échappé belle. Mais la grosse question que je me pose, ah, Et que personne ne s'est posé. Circoncis ou pas circoncis? Ah ben non, là on l'a vu. Je veux dire, la réponse est claire. Mais voilà, vous avez un mec qui grimpe sur les toits au péril de sa vie. Uh-huh. Hein, il y a quand même du matos, quoi. Il doit s'éclairer déjà. Oui, il doit s'éclairer. C'est la nuit, c'est illégal. Il doit escalader des façades, prendre du matériel. C'est pas, on fait pas ça avec un stylo à billes. Et quand il arrive en haut, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Le seul truc qu'il pense à faire, c'est un dessin de bite. Ouais. Je crois qu'il l'avait prévu. Hein. Oui, il n'avait pas de modèle. C'est le seul modèle qu'il avait sur lui. Une bite molle, en plus. Vraiment, je ne sais pas, il aurait pu faire un oiseau, une fleur, un arbre. Oui, mais un oiseau, on n'aurait même pas vu. Mais oui, mais pourquoi est-ce que les hommes doivent toujours peindre des bites? Bonne question. Même déjà l'homme préhistorique, il faisait des moutons, il faisait des mammouths, enfin des animaux, mais il faisait pas de bites. Oh. Peut-être qu'à l'époque il n'en avait pas. Peut-être qu'elles ont été censurées à la Lascaux déjà. Pas, ouais. Ouais. Probablement. Et donc c'est le dessin que vous n'auriez pas fait ou que vous auriez pu réaliser cette semaine. C'est une pub pour le musée du slip qui s'ouvre à Lessines. À Lascaux peut-être pas, mais à Pompéi en tout cas on dessinait des sexes masculins sur les pierres pour indiquer la direction des bordels. Depuis toujours, l'homme dessine. Mais peut-être que c'est à ça qu'on devrait s'intéresser. C'est pas la bite en soi, mais à ce sur quoi elle pointe. Mais oui. Comment est-ce que les la réponse est peut-être là. Alors, la grande question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas un gros plan de com et on est tous en train de se faire avoir? Ah, alors là. En tout cas, les chevaux touristes. Le retour de Dodo la Saumure. Oui. Parce que sinon, c'est un plan de com pourquoi? Pour la ville de Bruxelles, non, après le Sprout to be Brussels. Pour le musée du slip. Bah, oui, peut-être. Ou pour chez maman. Ah, on ne sait pas. Ah non, pas chez maman. Ah, plein de points d'interrogation. En tout cas, merci Fred Dubus. En attendant, on se pose et on continue à se poser des questions. Et si la vie était une télé-réalité? Et si la vie était une télé-réalité? Le porte-parole de la CIA serait à coup sûr la voix de Secret Story. L'assassin d'André Coles est... Si la vie était une télé-réalité, alors c'est sûrement à Charleroi qu'on tournerait... Ville de la Tentation. Dans le dossier Ville de Charleroi, cette affaire de malversation présumée... Le tribunal correctionnel de Charleroi pour corruption. Je viens de me faire carjacker. Je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Et moi, ça a été un film très facile à faire pour moi parce que j'ai toujours rêvé d'être escroc. Si la vie était une télé-réalité, alors je parierais bien une petite pièce sur Brigitte Bardot comme grande gagnante de Ferme-la Célébrité. Qui est apparue sur une affiche de Marine Le Pen pour la campagne des Européennes. Elle est belle cette affiche. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Marine et je la ferme et je le dis et c'est tout. Et les migrants pourraient se retrouver dans Bienvenue chez nous ou pas? Ces gens-là ne veulent pas s'intégrer et on ne veut pas les recevoir chez nous. C'est vrai que vous ne les connaissez pas encore. Pourquoi est-ce qu'on estime que ça se passerait mal? Pourquoi est-ce que ça se passerait mal? Mais on est un petit village, on est... Je veux dire, allez, il n'y a pas de clôture autour de nos maisons. Je vais faire mon jogging tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer si je rencontre quelqu'un? Quand on est con, on est con. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Si la vie était une télé-réalité, alors Jean Quatremer nous donnerait rendez-vous en terre inconnue. Vous savez, quelque part en Arabie Saoudite, à 200 mètres de la Grand Place. C'est horrible. Je viens de réaliser que sans Zidane, sans Benzema, sans Ben Arfa ou Nasri, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner sans les Arabes. C'est un cauchemar. Il y en a beaucoup de racistes maintenant. Si la vie était une télé-réalité, alors dans Sarkolanta, c'est toujours le petit Nicolas qui gagnerait l'épreuve d'impunité. C'est parfaitement normal. Et bien 74 millions d'euros, vous estimez-vous que c'est normal? Mais je pourrais en prendre d'autres. J'y peux rien, c'est comme une seconde nature. On peut quand même pas revenir à l'époque de la bougie. Ils avaient le droit de faire ça? Pauvre con. Le droit. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers, aucun. Ou alors, on pourrait adapter le concept en Corée du Nord. Bienvenue dans Koh-Lanta. Il n'y aurait qu'une seule émission et on irait directement à l'épreuve des poteaux. Enfin, si la vie devient une télé-réalité, c'est la première qui vous le dira. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Et on vous dira bien d'autres choses dans la suite de C'est presque sérieux avec une équipe en ce vendredi en pleine forme. Fred Dubus, Edgar Schotz, Vincent Flibustier, Raoul Reyer, Cindy Aizarelli pour vous accompagner sur la première. Et dans la suite, on s'intéresse à l'histoire. Petit H, grand H, grand H pour commencer avec Laurent de Hossé. Une question en rapport avec le 23 septembre, ce vendredi. La question arrive juste après ceci. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Mais enfin chérie, qu'est-ce que je viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clowns, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, j'en ai ras tout bas. Alors toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Et oui, résister à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme, aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. La première présente l'exposition Zoo humain, l'invention du sauvage. Découvrez l'époque où l'être humain était exhibé comme un animal de foire. Comment l'histoire nous a-t-elle conditionnés à nous voir comme civilisés ou sauvages? Du 17 septembre au 23 décembre à la Cité Miroir à Liège. Plus d'infos, zoohumain.be. La première, Mobile Info. Que se passe-t-il sur nos routes? Une question et des réponses qu'elle nous apporte. C'est tout de suite, c'est avec Fanny Gillard. Oui, avec ce feu de broussailles dans le bas-côté de la route sur le 42 Namur-Mons à hauteur de Gosselies. Bande droite neutralisée, soyez prudents, direction de Mons. Ça coince, bah vous le savez comme à l'habitude, dans les différents tunnels de la capitale. On ne va pas tous les citer. Par contre, ça, on va se pencher dessus. Accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette. Bande de gauche neutralisée, plus 45 minutes en direction de Grand Bigard. Attention également à cette échelle qui traîne sur le ring de la capitale centrale et Bercel en direction de Grand Bigard. Et puis au niveau des temps de parcours, on va juste pointer en circulation intérieure Grand Bigard Zaventem, plus 20 minutes. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème ici. L'histoire qui s'invite sur la première, avec laquelle vous avez d'ailleurs rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, entre 13h30 et 14h30, Laurent Dehaussay, qui s'intéressera lundi au Festival de Cannes, festival de cinéma qui n'a pas eu lieu en 1939. En attendant, que s'est-il passé un 23 septembre, chers amis? Question, j'attends les réponses. Voici en tout cas la question de Laurent Dehaussay. En 1889, je produis des cartes et je console encore aujourd'hui. Que suis-je? Alors, je produis des cartes. C'est trop facile. C'est trop facile. J'ai la bonne réponse. Est-ce que je peux la donner? Attendez, si vous avez la réponse, l'autre là, il dit c'est trop facile. Mais c'est beaucoup trop facile parce que moi, j'ai pas vu la réponse. Mais Cynthia, elle est à côté de vous. Donc elle non, j'ai pas vu la réponse. Mais je produis des cartes. C'est le producteur de René Descartes. c'est le premier concert de René Descartes. Comment il s'appelle? Au Bataclan. Oh non. Il s'appelle Roger Descartes. Roger Descartes. Non, c'était pas ça. On va vous remonter dans votre chambre. Donc Cynthia, vous gardez la réponse. Oui, je l'ai aussi. Hein. Alors vous aussi, vous la gardez. Voilà. On va demander à Edgar. Oui, ça ne m'étonne pas qu'il l'ait aussi. Alors. Et donc je produis des cartes et je console. Oui, et je console encore aujourd'hui. Console de jeu. Ah ouais. Alors voilà. À votre avis? Edgar, vous savez quoi, on va directement poser la question à Cynthia Zarelli. Cynthia, est-ce que vous avez la réponse? En 1889, je produis des cartes votre feuille parce et je console encore aujourd'hui. Que suis-je? Mais on parle évidemment de Nintendo. Effectivement, la société Nintendo, l'entreprise multinationale créée par Fusajiro Yamauchi en 1889. Au départ, la société produisait des cartes à jouer japonaises, ce qu'on appelait les Hanafuda. Mm-hmm. Il avait inventé et fabriqué lui-même, du coup il a dû engager des gens pour créer ces cartes. Et la première console qu'ils ont créée se nommait la Famicom, hein, pour Family... Computer, Family, un truc comme ça. C'est Computer, Family Computer. C'est la même console que la NES qu'on a eu chez nous. Ah ouais, bien sûr, on embrasse NES au passage. Lancée au Japon, cette console en 1983. Elle fut commercialisée en Europe, aux États-Unis, à partir de 1985 sous le nom de Nintendo, avec des jeux que vous connaissez, bien entendu. Super Mario. Ouais, quoi d'autre? Maintenant, il y a les Pokémon. Zelda, Pokémon, oui, aussi. Et ils font encore des cartes aujourd'hui, on peut encore en acheter, mais à mon avis qu'au Japon. Ils font Mario des cartes. Ouais. Alors, le personnage de jeu vidéo Mario, il s'appelait à l'origine Jumpman. Vous savez ça? Oui, c'était dans le jeu King Kong où il avait sauvé la princesse. Voilà, l'homme qui saute. Et le nom de Mario vient du propriétaire des locaux où était établi Nintendo America à l'époque. Un certain Mario Segali, le métier de ce qui deviendra d'ailleurs le personnage fétiche de Nintendo, était d'ailleurs charpentier et non plombier à l'époque. Ça, il faut le savoir aussi. Mm-hmm. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'il avait un le plus étonnant, c'est que ça a été créé en 1889. Quoi. Ouais, et, vous savez pourquoi... Super Mario? Oui, ouais, en 89. Vous savez pourquoi ils ont été condamnés, Nintendo, en 1982, après le succès du jeu Donkey Kong. C'est par les Universal, je crois, qui détenaient les droits de King Kong. Et finalement, je crois qu'ils ont regagné plus tard parce qu'en fait, Universal les a attaqués. Et puis en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient même pas les droits de King Kong non plus. Eh oui. Parce que les premiers droits du premier King Kong en 1933, etc. Non, moi je préfère votre acheté, deuxième histoire. Je pas ah bah c'est vrai, Vincent Flibustier. Effectivement, la société japonaise a remporté ce procès et pu donc continuer à utiliser ce nom pour ses jeux. Nintendo nomma d'ailleurs alors un de ses personnages en cours de création, Kirby, en hommage à qui, à votre avis? C'est Kirby. L'avocat, je crois. Effectivement, c'est l'avocat John Kirby, l'avocat de Nintendo. Voilà. On voit tout de suite quel bel niveau intellectuel. On en tous les amoureux de moi, jeux à l'époque, vidéo. Je faisais des herbiers, monsieur. Ouais. Et des mots croisés. Mais écoutez, monsieur le vidéo, c'est plus grand que le cinéma aujourd'hui. Et vous pouvez reconnaître tous les oiseaux. Exactement. Allez, reprenez. Le loriot d'Europe. Reprenez votre sérieux, ou presque, vous écoutez la première. C'est très très sympa ça, Fun Boy 3 et Bananarama 1982. C'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. Bonjour, messieurs Vincent. On s'informe à 17h avec Diane Burgul-Vernet, mais en attendant des histoires que nous compte Vincent Flibustier. Et oui, parlons journalisme et du premier à avoir essayé d'écrire des journaux pour les animaux. Il s'agit de Ricky Subasis, un Anglais qui venait de gagner à la loterie en 1843 et a fondé Elephant News, un journal destiné aux éléphants parce qu'il adorait les éléphants. On pouvait y voir des nouvelles, des éléphants d'Afrique, des mots croisés pour éléphants, des trucs de pachyderme, quoi. Ricky Subasis leur faisait souvent la lecture aux zoos de Birmingham et adorait ça. Cela n'aura malheureusement duré que 2 ans. Ricky est décédé en 1845 alors qu'il faisait la lecture à un de ses amis à la grande trompe, écrasé par celui-ci. Repose en paix, petit ange, toi qui as apporté ces lettres de noblesse au journalisme pachydermique, toi qui au firmament ton art a offert à l'investigation sa plus belle œuvre. Je t'aime, Ricky. ça a de moins en moins bien. Lui aussi s'est fait écraser. Ah, ouais. C'est vendredi. Une première histoire signée Vincent Flibustier. Pour de Nintendo. Alors, la deuxième histoire. Si je vous dis une invasion extraterrestre racontée à la radio, vous me dites... Ah bah oui. Orson Welles. Orson Welles. La guerre des mondes, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la population ? Bah, tout le monde a flippé. Voilà, on dit que ça a provoqué un vent de panique, des émeutes, des arrêts cardiaques, une panique partout. Eh bien, c'est faux. En fait, il y a eu très très peu de panique. On n'est même pas sûr qu'il y en ait eu du tout. Moins que tout pour Bye Bye Belgium. Faux, monsieur. Et oui, comme aujourd'hui, les journaux de l'époque ont en fait totalement surestimé le phénomène et ont exagéré l'affaire. Tout ça pour une raison, complot, discréditer la radio dont le succès était de plus en plus grandissant. Et donc, ils ont essayé de faire cette révolution un danger. Ça vous rappelle pas ce qu'a fait la télé à l'arrivée d'Internet ? Complot. Deux histoires. Une histoire donc d'extraterrestres, d'invasion, de radio, et une autre de pachyderme et d'Elephant News, bien entendu. Une de ces deux histoires est vraie, oui, mais laquelle ? Vous avez peut-être la bonne réponse, vous qui nous écoutez. Autour de la table, à votre avis, Cynthia Izarali, première la ou seconde ? La seconde. Raoul Reyers. Moi, j'étais abonné à Elephant News. Donc la première pour Raoul Reyers. On va demander Edgar Schotz. Mais pour une fois, je sais vraiment. Alors, c'est la seconde qui est. C'est la seconde. On va demander à Fred Dubus. Oui, mais je ne vais pas faire mon malin, c'est la seconde. C'est la seconde, et donc forcément, roulement de tambour, ou presque, la deuxième. Pour découvrir l'histoire vraie de Vincent Flibustier, quasi sans surprise. C'est donc la deuxième, n'est-ce pas Vincent ? Ben oui, et bizarrement, en fait, j'ai cherché un petit peu en presse francophone. On n'a pas de toujours journaux, en fait, dans l'idée qu'effectivement, il y a eu des vents de panique aux États-Unis suite à la diffusion du truc. En fait, déjà, il n'y avait quand même pas tant d'auditeurs que ça. Et puis, en fait, c'est vraiment les journaux qui en ont fait toute une affaire. CBS a reçu très peu de courriers. Il y avait des histoires dans les journaux comme quoi des gens étaient morts d'arrêt cardiaque, etc. Quelques années plus tard, on a essayé de les retracer. Ces gens n'ont jamais existé. Donc, finalement, en fait, ça a fait pas mal de pubs à CBS alors que les journaux papier essayaient de le saborder. Et petit gai savoir, pourquoi est-ce que les pages des journaux sont si grands ? Enfin, maintenant, on revient du plus petit. Mais parce qu'Orson Welles ne voyait pas bien. C'est lu par des éléphants ? c'est une bonne idée, mais non, à la base, c'est en fait en 1712, l'État britannique qui a imposé une taxe par page de journal aux journaux. Ah, d'accord. Et donc, à la base, ils avaient des formats un peu plus petits, et quand ils ont imposé cette taxe, ils sont partis sur des feuilles méga grandes, qu'on connaît encore aujourd'hui, ouais. Mais de moins en moins, vu qu'on repart dans les petits formats, pour en fait payer beaucoup moins de taxes. Et donc, leur journal pouvait faire 8 grandes pages plutôt que 40 petites. Eh, hey, pas mal, merci pour ce petit gai savoir. Dans la suite, on va s'intéresser encore et toujours à l'actualité, on s'informe, je vous le dis, à 17h avec Diane Burgel-Vernet. Et puis un titre que je vous propose de retitrer, notamment sur notre page Facebook où il y a un petit concours, tiens, des cadeaux à vous offrir. On vous invite au théâtre pour un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Très très belle pièce de théâtre à découvrir du 27 septembre au 1er octobre au Théâtre de Poche. Rendez-vous sur notre page Facebook. Page Facebook où vous allez pouvoir donc retitrer cette info que vous, autour de la table, vous allez retitrer également dans un instant. On parle de budget 2016, la Suédoise qui devra finalement trouver 4,2 milliards pour découvrir les titres et pourquoi pas les vôtres. Eh bien, restez sur la première, à tout de suite. Les meubles Belot à Soigny ne vendent pas que des meubles. Ils meublent vos rêves. Et surtout, ils les décorent pendant les Déco Days. Du 23 au 26 septembre, notre équipe de professionnels répondra à toutes vos questions de décoration. Oui, toutes. Venez donc faire la fête et profitez des prix cassés pendant ces 4 jours de portes ouvertes aux meubles Belot. Plus d'infos sur belot.com. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé, pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. La première présente... Les villes et communes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et les opérateurs publics vous invitent à la troisième édition du Forum Immobilier, ces 20 et 21 octobre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. À découvrir les projets en cours et à venir dans la région et les possibilités d'investissement dans tous les secteurs de l'immobilier. Plus d'infos sur forum-immobilier.be. Un hoverboard, ça peut être considéré comme un véhicule de société. Oui, hein? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de Bordeaux Château Landonnais 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. La première, météo. Réjouissez-vous, les éclaircies seront encore très larges jusqu'au coucher du soleil, de quoi pouvoir encore profiter d'une belle terrasse. À partir de cette nuit, le ciel aura tendance à se dégager de plus en plus, sauf en Ardennes, où des nuages seront récalcitrants et dans les polders, où la formation de brume et de bandes brouillard sera possible. Côté minimal, les températures pourront tomber en dessous de la barre des 5 degrés. Demain, dès les premiers rayons de soleil, vous pourrez pleinement profiter d'un ciel complètement dégagé. Une belle journée donc, qui va s'accompagner de températures en hausse et qui vont dépasser les normales saisonnières avec des valeurs qui oscilleront entre 20 et 25 degrés. Seul bémol au tableau, le vent qui sera sensible au littoral. Pour ce dimanche, on aura une très très belle matinée pour tout le monde. En revanche, aussi le passage d'une perturbation durant l'après-midi et on débutera lundi avec de très très belles éclaircies. Une excellente fin d'après-midi à vous. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Les ministres fédéraux du budget et des finances sont attendus mardi en commission. Ils auront à s'expliquer sur le trou budgétaire. Le gouvernement fédéral doit trouver à l'horizon 2017 plus de 4 milliards d'euros pour maintenir la trajectoire budgétaire dans les clous. 1 million d'euros à rembourser au lieu de 5 milliards. La cour d'appel de Versailles déclare l'ancien trader Jérôme Kerviel partiellement responsable de ses manœuvres boursières. Il est condamné à payer 1 million d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale. Un point sur vos conditions de circulation et on retrouve Fanny Gillard. Oui, alors le plus gros problème pour l'instant, c'est cet accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette. Bande gauche neutralisée, attention, vous perdez 1h10 en direction de Grand Bigard. La semaine de la mobilité se termine. De nombreuses manifestations se sont déroulées en Belgique, mais aussi ailleurs en Europe, pour promouvoir les modes de transport durables. Parmi elles, se colloque à Namur sur l'avenir des carburants alternatifs dans les entreprises. De plus en plus d'entreprises privées ou publiques, d'ailleurs, commencent à investir dans des véhicules moins polluants. Question d'image, mais aussi, Thierry Van Gulik, question de coût. On comptait l'an dernier 650 000 voitures de société en Belgique. C'est dans ce secteur que l'on mesure le mieux l'évolution des choix des consommateurs. Et ça bouge, confirme Frank Van Gaal, directeur de Renta, la fédération des loueurs de voitures. Ça se développe. En effet, en 2016, par exemple, pour vous dire, il y a quand même déjà 6% de la totalité des nouvelles immatriculations de véhicules de société qui sont soit des hybrides, soit des véhicules électriques. Exemple, la société Swift à Bruxelles. Charles-Étienne Jamy est responsable de la mobilité. On y a misé sur les voitures électriques. Nous avons une vingtaine de voitures électriques dans la flotte de véhicules et ceci est en augmentation constante. En plus, on a installé les bornes de recharge pour nos employés à leur domicile, mais également un nombre de bornes de recharge équivalent au nombre de véhicules actuellement disponibles dans la flotte. Mais cet exemple reste minoritaire par rapport au parc automobile actuel. Frank Van Gaal. C'est vrai qu'il reste encore quand même une différence au niveau du prix de revient de ces produits. Et ça, c'est une balance qui n'est pas toujours favorable pour les alternatives, malheureusement. Les entreprises publiques s'y mettent aussi. Dès l'an prochain, les techs mettront en service 280 bus hybrides dans les principales villes de Wallonie. Les étudiants de Louvain-la-Neuve vont confirmer ce matin l'annulation des 24 heures vélo. C'était prévu les 26 et 27 octobre. Pour eux, les conditions de sécurité imposées par les pouvoirs publics en raison de la menace terroriste sont difficiles à accepter. Elles sont très coûteuses, mais elles menacent aussi l'esprit folklorique de la manifestation. Mauvaise surprise donc pour le gouvernement fédéral. Il devra trouver 4 milliards à l'horizon 2017. C'est près du double des estimations qui avaient été faites avant l'été. Alors que les principaux ministres se préparent à s'asseoir autour de la même table à partir de la semaine prochaine pour négocier. Une fois encore, l'estimation des rentrées fiscales pose question. La rage taxatoire du gouvernement fédéral conduit à l'impasse budgétaire. Les mots ne manquent pas, en tout cas dans l'opposition, pour critiquer le gouvernement. Écolo parle de déni, le CDH refuse que ce soit encore les familles et le citoyen qui mettent la main au portefeuille. En France, c'est peut-être l'épilogue dans l'affaire Kerviel, du nom de ce trader à l'origine de la perte de près de 5 milliards d'euros de la Société Générale. C'était en 2008. Après 8 ans de procédure et 3 procès, la justice française s'est prononcée une nouvelle fois et peut-être une dernière sur cette affaire. Dans son arrêt, la Cour d'appel de Versailles l'a condamné à payer 1 million d'euros à la Société Générale. Et oui, l'ex-trader ne doit plus qu'un million d'euros. Alors ça peut paraître beaucoup évidemment, hein, mais c'est bien moins que les 4 milliards 900 millions d'euros qui lui étaient réclamés lors d'un précédent jugement. Un jugement qui avait été cassé en 2014 et qui est donc remplacé par celui-ci. Satisfaction partagée par la Société Générale et son ancien employé, Jérôme Kerviel affirme y trouver de l'énergie pour, je cite, « continuer le combat et ramener l'addition à zéro à la fin ». Du côté de la banque, on parle d'un arrêt compréhensible et convenablement construit. Pourtant, la Société Générale a peut-être tort de se réjouir. Le jugement pourrait en fait avoir des conséquences coûteuses pour elle. On remonte en arrière, en 2008, confrontée à la perte exceptionnelle causée par Kerviel, la banque avait bénéficié d'une déduction fiscale de 2 milliards 200 millions d'euros, un cadeau de l'État en quelque sorte. Eh bien, elle pourrait devoir le rembourser car l'arrêt de la Cour d'appel aujourd'hui précise que la Société Générale porte la plus grosse part de la responsabilité civile. En clair, ses contrôles n'ont pas fonctionné, laissant grossir les pertes qu'elle a subies. Le secrétaire d'État français au budget laisse planer le doute. Il affirme qu'il faut d'abord une analyse approfondie. Julien Geffredo. Au moins 133 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de réfugiés au large de l'Égypte. Les survivants affirment que près de 450 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation quand elle a chaviré. C'était mercredi au large de la ville égyptienne de Rosette. Les autorités ont indiqué que les recherches seraient désormais concentrées sur la cale du bateau. Selon des témoins, au moins 100 personnes avaient pris place au moment du naufrage. Selon l'armée, 163 personnes ont par ailleurs pu être secourues. Ce vendredi s'ouvre la 31e édition du Saint Jazz Festival à Saint-Josse. Tous les concerts se déroulent à la Jazz Station, ce club qui existe aujourd'hui depuis un peu plus de 10 ans. Thomas Champagne, Stéphane Mercier, Bruno Castellucci, deux soirées de concerts bien chargées. Marie Mikils a rencontré l'organisateur du Saint Jazz Festival, c'est Dimitri Demanet. Elle lui a demandé comment il faisait la sélection des artistes. C'est toujours difficile de faire un choix, c'est sûr. Maintenant, beaucoup d'artistes belges, quasiment tous, sont passés par le festival. Cette année, j'ai la chance d'avoir des groupes qui sont très bons aussi, mais qui ne sont pas passés avant au festival, parce que des fois, on refait jouer les mêmes groupes, des fois plusieurs années. Et la Belgique est un grand terreau de jazz, donc il y a énormément de jazzmen et beaucoup de choix. Cette année, vous accueillez, entre autres, un très jeune musicien de jazz qui s'appelle David Tomar. Oui, David Tomar est donc un jeune musicien qui fait partie de ces prodiges, qui tourne beaucoup pour l'instant et qui fait parler de lui dans la scène jazz belge. Et il tourne donc avec son trio, composé de Félix Ustrasen et exceptionnellement de Sten Coles, qui remplace Antoine Pierre, qui est d'habitude dans ce trio. Et ce sont aussi deux très jeunes musiciens. Très jeunes, tout est relatif, oui, mais ils ont la vingtaine. C'est la jeune génération de jazz, oui. Et le festival Saint-Jazz, c'est à la Jazz Station de Saint-Josse en région bruxelloise. C'est ce soir et demain. Il est 17h07. Très belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Cuisine Créfet. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfet. Cuisine Créfet, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Merci d'être fidèle à la première. C'est évidemment toujours presque sérieux. Merci Diane. Retour dans l'information tout à l'heure à 17h30 avec Arnaud Roussen pour Soir Première. D'ici là, nous sommes presque sérieux. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Et nous clôturons ensemble cette semaine d'actualité. Rendez-vous d'ailleurs demain et dimanche pour le best-of, toujours entre 16h et 17h30. En attendant, ils vous accompagnent dans cette dernière ligne droite en ce vendredi que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première. Ils sont presque sérieux. À commencer par Fred Dubus. Bonjour Fred. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Et il y a Edgar Schotz. Bonjour Edgar. Hello. Il y a autour de cette table Vincent Flibus. C'est vendredi, youpi. Cynthia Isarelli. Coucou. Et Raoul Reyers. Bonjour. Et tout de suite, eh bien, on s'intéresse à cette actualité, vous l'avez entendu parler, la Suédoise qui devra finalement bien trouver 4,2 milliards. Devenons presque sérieux. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Et oui, mauvaise nouvelle, ce n'est pas 2,4 milliards d'euros que le gouvernement fédéral doit trouver à l'horizon 2017 pour maintenir donc cette fameuse trajectoire budgétaire dans les clous, mais 4,2 milliards. 4,2 milliards. Alors c'est vrai que on a appris également dans la foulée que pour la taxe de la télévision, c'était fini, on perdait 120 millions, mais où vont-ils chercher cet argent? C'est la question que tout le monde se pose. Comment vont-ils faire? On va nous proposer d'autres taxes. Et donc, la ministre du Budget, Sophie Wilmès, fait notamment état de recettes attendues nettement inférieures aux prévisions de juillet, donc à hauteur de 540 millions de cette année et plus de 900 millions l'année prochaine. Donc, voilà, cause de ce problème de calcul ou de calculette, soit des piles, soit une mauvaise gestion, soit le ralentissement de la croissance économique. Mais ils vont tout mettre sur le dos du ralentissement de la croissance économique. Comment est-ce que vous pourriez... C'est de la faute de personne. C'est jamais de la faute de quelqu'un. Tu sais, quand il vous manque un peu d'argent, moi je vais aller voir mon banquier, écoutez, je suis à découvert, mais c'est à cause du ralentissement de la croissance économique. Voilà. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Bon, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette info? La Suédoise qui devra finalement trouver 4,2 milliards d'euros. Vincent Flibustier. Clifford Chance va analyser un petit peu le dossier pour nous aider. C'est trop long. On dirait un titre du soir. C'est pas mal. On va demander à Edgar Schotz. Oui, titre et sous-titre. Dans la vie, il y a des gens qui ont un pistolet et il y a des gens qui creusent. Toi, Charles, tu creuses. Raoul Reyers. Une Suédoise à 4 milliards d'euros alors que pour 50 euros, vous pourriez avoir une Ukrainienne. Je désapprouve. Je crois que c'est plutôt 60 pour le moment. Ouais, pourquoi pas Fred Dubus. C'est un titre poursuite presse. Fred Dubus. Les 4,2 milliards de raisons qui vont vous inciter à faire un stock de vaseline. Ah. La première va vous surprendre. Cliquez pour voir. Photos et vidéos. Cliquez. Cindy Aizarali, la Suédoise qui devra donc finalement trouver 4,2 milliards d'euros. Déficit budgétaire, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ah, écoutez, on préfère pas. Gardez-le. Point où on en est. Ah, voilà. Ajoutez-moi un petit milliard. Ah, j'attends de voir un peu. Pour faire 5. Où est-ce qu'on va aller chercher cet argent? Ça fait peur. Kuhn-Kent a dit qu'il ne ferait pas un franc de... d'économie sur la justice. Voilà. Alors, c'est déjà mal barré. Donc, si là, on fait pas d'économie, si on récupère pas l'argent des taxes sur la télévision, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, le parking à Uccle, mon cher ami. Tiens, si on revisitait l'actualité différemment cette fois-ci, attention, tout ce que vous allez entendre est complètement faux. Notre agence de presse aurait pu vous annoncer un plus grand déficit budgétaire. On s'est abstenu. Écoutez, voici l'agence de presse de ce vendredi. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Nous avons reçu des images au moment où Donald Trump s'est glissé dans une poubelle pour un défilé. Osé à la Fashion Week de Charleroi. Paul Magnette s'est risqué à l'exercice chez MS Mode avant de se dégonfler en épreuve de freestyle pendant les deux heures qu'aura duré ce défilé un peu spécial. Judiciaire. Hillary Clinton chevauche un balai avec un petit moteur pour faire des figures sur le bord d'un trottoir à Rhodes, Saint-Genèse. La candidate démocrate a été interpellée à Grimbergen à cause des soupçons de trop-plein d'alcool. Un bébé panda devra décider d'un possible mandat d'arrêt. L'image du jour pour terminer, la tradition chinoise veut que Maggie Debloch gifle Bernard Westphal devant les curieux au parc animalier de Peridaisa. La ministre djihadiste affirme ne pas avoir été prévenue de cette nouvelle. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. À l'info, revue et corrigée, à retrouver bien entendu sur le rtbf.be/ovio. C'est le moment, c'est l'instant de mettre en lumière une personnalité, quelqu'un qui fait parler de lui dans la presse. Il est avec nous, il s'appelle Clay. Bonjour Clay. Bonjour. Alors, est-ce qu'on prononce le T ou pas? Parce que j'ai votre prénom, c'est C-L-E-T, alors c'est Clet ou Clay? En fait, on prononce le T, oui. On prononce le T. Ça vient d'où, Clet? C'est breton d'origine. En fait, ça vient d'une petite île en Bretagne. D'accord. Est-ce que vous connaissez Bruxelles? Est-ce que vous connaissez la signification du mot clète à Bruxelles? Non. C'est mieux comme ça. Alors, je vous inviterai à regarder. On va vous appeler Clay, comme ça sera plus simple. Sinon, ça va partir en foire. Je vous le dis tout de suite. Va partir en couille. Alors, mon cher Clay ou Clette, pour quelles raisons on parle de vous dans la presse? On va le découvrir dans un instant. Ils ont très exactement 2 minutes pour tenter de découvrir. Fait, voilà, je vous vois arriver, vous, avec votre histoire de zizi. En fait, ça vient de Clute, qui est couille en flamand. Oui, en flamand. Oui. Bon, un peu de sérieux. Est-ce que Clette est le premier Belge de l'année à avoir essayé de changer de prénom? Non. Il n'est pas belge. Il est breton. Il est hollandais. Est-ce non, que breton. Kletch, fabrique du chewing-gum. Pourquoi? Parce que chiclette. Son nom n'a rien à voir avec sa Alors, tout le monde Il est le champion du monde de De crêpes bretonne. Non, ce n'est pas ça. Est-il un artiste? Un artiste, oui. Un disque, voici, écoutez. Comment il peut tomber dans le panneau? Alors. Il fait de l'art avec les panneaux routiers. On n'est pas très loin. Il fait des panneaux routiers avec de l'art. Non, avec des panneaux routiers en l'art, oui. Oui, mais c'est l'art rose et blanc. On l'accorde à Vincent Flibustier, effectivement. Un artiste qui détourne les panneaux de signalisation. Ça fait maintenant depuis 6 ans que vous le faites, n'est-ce pas, Clette? Vous êtes installé en Italie, c'est bien ça? Et vous rhabillez les panneaux de signalisation dans les villes, notamment à Mulhouse. Vous l'avez déjà fait en Belgique ou pas? Oui, j'étais à Bruxelles, à Anvers et à Knokke-Zoute. Alors, expliquez-nous un petit peu d'où vient cette idée. L'idée vient du fait que les panneaux sont en fait une synthèse de communication visuelle. Moi, je suis un artiste depuis de très nombreuses années. Donc, la communication visuelle, c'est mon métier. J'ai compris à ce moment-là que le panneau, c'était mon métier. Alors, de plus, c'est un symbole d'autorité. Donc, voilà, je conteste l'autorité. Côté autoritaire de ces panneaux. Alors, il y a... je vois les photos ici. Si tout le monde commence à contester le côté autoritaire des panneaux. Justement, la question qu'on a envie de vous poser, c'est que votre travail a été officiellement reconnu. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand vous le faites, vous êtes condamné à une amende. Là, c'est autorisé, c'est toléré par quelques municipalités. Exactement. C'est là que c'est intéressant. Alors, certains endroits, comme vous dites, on me fait une amende et d'autres, par contre, on m'appelle. Oui. Et on vous dit, venez et faites. Voilà. C'est vrai que quand je vois, par exemple, une voie unique, sans issue, vous savez, cette bande rouge avec une bande, ça fait penser un peu à une croix, et on voit un personnage qui ressemble un peu à Jésus dessus. Il y a pas mal de... Voilà, sur le sens interdit, vous voyez un bonhomme en train de porter la barre blanche. Un travail artistique. Vous revendiquez donc effectivement un esprit subversif qui touche les gens. Tout à fait. Je crois qu'il y a de l'humour, ça je pense que c'est la première chose qui touche un peu les gens, mais le côté rebelle, le côté subversif trouve une complicité dans pratiquement tout le monde. Alors l'objectif c'est bien entendu de ne pas abîmer, ou en tout cas continuer à préserver la lisibilité du panneau et ne pas endommager le mobilier urbain de manière irréversible. Vous serez présent au Salon International d'Art Contemporain à Bruxelles Expo du 22 au 25 septembre, donc l'occasion de découvrir le travail à la fois rebelle et drôle breton de 40 ans. Mais non, je crois que oui, vous venez avec vos panneaux. Il les trouve sur place. Oui, c'est une galerie en fait. Vu que vos panneaux sont personnalisés, ça pousse pas des gens à les piquer? Oui, c'était ma question aussi. Oui, alors ça, c'est un problème, en effet, qui arrive, surtout par exemple à Florence, où j'habite, où je travaille, beaucoup de panneaux sont volés. Alors, dernière question que j'ai envie de vous poser, mon cher Clette. Vous avez eu des problèmes, notamment au Japon l'an dernier. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, au Japon, c'est ma compagne qui a été arrêtée, elle est japonaise. Mmh. Et nous sommes allés au Japon ensemble, et j'ai travaillé sur les panneaux de la route pendant une semaine. Je suis rentré en Italie où j'habite, et ma compagne est restée pour être un peu en famille avec sa mère une semaine de plus, et la police l'a arrêté. Mmh. Et l'a utilisé comme otage pendant 6 mois, en essayant de me contraindre à revenir pour me livrer à la police. Ça a été très très très très difficile. Donc 6 mois, on a gardé votre femme 6 mois juste pour des panneaux de juste route. Pour des panneaux, Et vous avez dû... ne rigole pas. Et vous avez dû payer une amende? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien terminé? Non, en fin de compte, rien du tout, parce qu'ils ne pouvaient rien contre elle. Ils l'ont juste utilisé en tant qu'otage pour faire pression. Et puis bon, pour aussi essayer de nous faire payer en quelque sorte. Ouais, légalement, ils n'avaient aucun pouvoir. Mais quand vous dites otage, ils n'ont pas pu la tenir en garde à vue 6 mois quand même? Non, donc elle ne pouvait pas sortir du Japon. Elle était quand même emprisonnée 3 nuits, sous contrôle très très très serré. C'est-à-dire qu'on a pris son téléphone, le téléphone de sa mère, les ordinateurs de la maison sous écoute, interrogée pendant 2 mois, donc quelque chose de très très lourd. Ah ouais, ça ne rigole pas, effectivement. Et enfin, rien du tout. Là, je laissais comme ça partir pour le bout de 6 mois sans aucune amende. J'imagine que vous n'y retournerez pas. Non, je ne peux pas en fait. Ah, ouais. Vous m'étonnez. En tout cas, le travail de Clette, notre presque star du jour, Abraham, de son nom, Abraham Clette, est à découvrir sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première.be. Je rappelle encore une fois que vous serez très bientôt à Bruxelles, donc dans le cadre de Bruxelles Expo, le salon international d'art contemporain. Merci en tout cas, mon cher Clette. Merci à vous. Merci. Dans la suite, on continue à nous intéresser à l'actualité avec Edgar Schotz. Et tant qu'à parler de Clette, eh bien restons dessus, tiens, avec une histoire vous bien belge encore une fois. Le mot Clette. Oui, vous nous avez expliqué. Edgar, on parle de quoi tout de suite avec vous? Du Margengate. C'est parti. Marie-Christine, ne me laisse pas seule. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule. C'est presque sérieux sur la première. Les meubles Belot à Soignies ne vendent pas que des meubles. Ils meublent vos rêves. Et surtout, ils les décorent pendant les Déco Days. Du 23 au 26 septembre, notre équipe de professionnels répondra à toutes vos questions de décoration. Oui, toutes. Venez donc faire la fête et profitez des prix cassés pendant ces 4 jours de portes ouvertes aux meubles Belot. Plus d'infos sur belot.com. Nouveau, Comea Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comea Casa. Apportez un peu de chaleur. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Un vieil homme dit un jour « Avec l'âge vient la sagesse ». Mais pourquoi attendre? Ce samedi, l'Écho répond à 100 questions sur la pension dans le guide pension. Que prévoit l'État et votre employeur? Mais surtout, que faire par vous-même? Découvrez la réponse dans le guide pension ce samedi gratuit avec l'Écho. L'Écho, prenez de l'avance. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Chérie, tu ne m'emmènerais pas au cinéma samedi soir? Bonne idée, mais qui va s'occuper des enfants? Pas de panique, va sur le site de la Ligue des Familles. Il y a plus de 1500 babysitters formés et encadrés. T'as raison, regarde, j'en trouve déjà 5 dans notre commune. 5? La Ligue des Familles.be, toute l'offre babysit en un clin d'œil. La Ligue des Familles, des solutions pour chaque parent. La première. Mobile Info. Vous reprenez le chemin de la maison, vous vous souciez des embarras de circulation, bien là pour vous rassurer, ou pas, ou presque, c'est Fanny Gillard. Ouais, là, je ne vais pas trop rassurer les gens, on a 3 accidents assez importants. Le premier, un accident impliquant plusieurs véhicules dans l'échangeur de Dossou, passage très compliqué, défile à partir de Rhin, c'est donc dans la bretelle qui relie le 42 qui vient de Mons à l'E411 vers Luxembourg. L'autre souci, c'était cet accident sur le ring extérieur de Bruxelles, à hauteur de Jette, bande gauche neutralisée, accrochez-vous, 1h40 de retard en direction de Grand Bigard. Soyez extrêmement patient et prudent. Objet encombrant, on est toujours sur le ring de Bruxelles. Une échelle entre Halle et Bercel. Voie gauche et centrale neutralisée en direction de Grand Bigard. Ça coince, vous l'aurez compris, sur le ring également en circulation intérieure. Grand Bigard, Zaventem, 25 minutes. Zaventem, Léonard, 25 minutes aussi. On termine avec cet accident sur le 40. Bruxelles-Liège à hauteur de Linden. Voie de décélération neutralisée en direction de Liège. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Nous décernerons les Philippe, le Philippe, en tout cas chacun en décernera dans un instant, personnalité ou actualité qui vous a irrité cette semaine. En attendant, intéressons-nous au Margamegate. Le Margamegate connaît un nouvel épisode cette semaine puisqu'on apprenait que la ministre de l'énergie avait ignoré un avis de la CREG. Oui, le régulateur du marché de l'électricité qui aurait permis donc du fait au gouvernement fédéral de réclamer plusieurs millions d'euros à Electrabel, Edgar. Oui, plusieurs millions, 1, 2 ou 15, on ne sait pas. Tout ça parce que la ministre fédérale de l'énergie n'a pas lu ou pas donné suite à une lettre de la CREG. Vous imaginez, c'est quand même dingue. Marie-Christine Margem coûte encore plus cher quand elle ne travaille pas qu'Armand de Decker quand il travaille. Avec Galland, on avait une ministre qui ne savait pas compter. Visiblement, avec Margem, on a une ministre qui ne sait pas lire. La pilule est un peu dure à avaler. Je ne parle pas de la pilule d'iode qu'on est censé avoir tous reçu et dont on n'a pas encore vu la couleur. Vous l'avez reçu, vous? Mais non. Non, non, non. Bah oui, non, moi non plus. Je me dis qu'on devrait parfois changer le nom de notre émission et laisser le label « C'est presque sérieux » à notre gouvernement fédéral, et particulièrement à la ministre de l'Énergie. En plus, à chaque fois que je regarde une de ses interviews à Marie-Christine, où elle essaye de nous rassurer sur la fiabilité du nucléaire, j'ai l'impression d'assister à presque le dernier jour dans l'histoire. Bon, vous allez me dire, c'est presque sérieux, c'est pas mal comme nom d'émission comique, mais comme description d'une politique énergétique, et en particulier nucléaire, c'est assez moyennement rassurant. Alors certes, c'est pas très rassurant, mais je ne suis pas sûr que quand on parle des risques nucléaires, les grosses têtes, ça ne soit pas encore un peu plus flippant. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de Gandhi, à qui un journaliste britannique avait demandé « Cher Mahatma, que pensez-vous de la civilisation occidentale ?» Ah ouais. Vous savez ce qu'il avait répondu ? Non. La civilisation occidentale, je pense que ce serait une bonne idée. Ah ouais. Pas mal. Eh ben, moi, en matière de sécurité nucléaire, c'est un peu la même chose. Quand on me demande ce que j'en pense, j'ai toujours envie de répondre « Ah oui, la sécurité nucléaire, ce serait une bonne idée. » Il faut reconnaître que quand on observe le nombre de bourdes accumulées par Marie-Christine Marguem depuis qu'elle est ministre de l'énergie, on serait fondé à penser qu'elle a un et un seul objectif politique et que c'est de relancer la carrière de Jean-Marc Nollet. C'est vrai, on le voit partout et tout le temps grâce à Marie-Christine, alors qu'en 2014, Jean-Marc Nollet, il faisait plutôt office de déchets nucléaires qu'Écolo ne savait plus ni où ni comment enfouir pour faire oublier les histoires de certificats verts et de panneaux photovoltaïques. Non mais c'est vrai quoi, entre ces deux-là, on a depuis longtemps dépassé le stade du 69 minutes sans chichi, on est plutôt dans 69 semaines et demie avec beaucoup de chichi. Bref, grâce à Marie-Christine Marguem, le déchet nucléaire s'est transformé en Super Phénix. Et dans cette histoire, on a donc Jean-Marc Nollet, alias Super Phénix, et puis Marie-Christine Marguem, alias la cuve de refroidissement. Et tant qu'à donner des surnoms à tout le monde, je trouve que Gérard Mestrallet, le patron d'Engie, un sobriquet qui pourrait lui aller assez bien, c'est Uranium Enrichi. Ah, eh bien, merci de nous avoir enrichi en tout cas avec votre info, mon cher Edgar. Chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Ah, l'émission touche déjà presque à sa fin. Oh. Ah ouais, c'est l'heure des Philippe de la semaine. Cette conversation est terminée. Des Philippe que vous allez décerner bien pour cette semaine à une personnalité ou à une actualité qui vous a irrité. On commence par Vincent Flibustier. Eh bien, il semble que tout va mieux dans le monde. Il n'y a plus rien d'important dont on doit parler. Donc la une de la DH hier qui était trois personnes qui posaient avec leur chien en une. Il était marqué Kiki, 3 ans, a retrouvé la vue grâce à un médium. Il veut s'attaquer à la DH maintenant. Une presse, ça ne lui suffit pas. Attention, ça coûte cher. Tiens, Fred Dubus, votre Philippe de la semaine. Alors, je crois que c'est les chevins de la propreté de Saint-Gilles qui, au sujet de ce tag obscène de cette bite molle, a dit qu'on ne l'enlèverait pas parce que ça coûterait trop cher et que c'est dangereux pour son personnel. Ouais. Le tinaire. Hein. Heureusement, oui, mais heureusement que le mec n'a pas tagué. Les chevins de la propreté est un. Ou une croix gammée. Ça aurait été vite. Ça aurait été flippant. Ouais. Edgar Schotz. Moi, c'est un Philippe de la semaine passée, mais il est tellement bon qu'il fallait quand même que j'en parle. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet, une des 347 candidates à la primaire de la droite, qui s'est lancée dans une grande croisade et a décidé d'interdire le koufarisme, cette dangereuse secte musulmane, sauf que le koufarisme n'existe pas. Ouais. Donc elle a voulu pénaliser un courant de l'islam qui n'existe pas. C'est ça, inventer dans la chose. Hein, c'est ça. Raoul, qu'est-ce que vous avez trouvé pour J'ai trouvé un truc pour nous faire 16 000 euros en 2 mois. Ah, dites-nous. Ah oui, je sais. Vous allez encore ouvrir une société. Non. Il y a un petit inconvénient. Il faut rester couché. Il faut prendre des médicaments. Rester couché pendant 2 mois, sans se lever, mais seulement avec la tête 6% plus basse que les pieds. Et ben, figurez-vous. Alors, qu'est-ce que vous aurez dans 2 mois ? Ouais. Le diabète. Ouais. Et déminéralisation de votre corps. Pour 16 000 euros. Vous serez vraiment comme un astronaute. Pour 16 000 euros, je suis prêt. 16 000 euros pour être handicapé, c'est pas cher. Vous gagnez plus que ça en 2 mois. Ouais. Non, bah, finalement. Carole, pour cette info. Et qui paye ça C'est l'Institut de médecine spatiale de Toulouse. Il faut aller à Toulouse. Tiens, on va demander à Cindy Aizarali. Philippe de la semaine pour vous. Philippe de la semaine à François Hollande qui met devant à Rihanna. Rihanna qui lui envoie des lettres au sujet de l'ASBL dont elle est marraine, qui est Education Cannot Wait. Et elle n'a pas de réponse parce qu'elle a interpellé donc François Hollande pour avoir de l'aide ou du leadership. C'est déjà mal barré. Et elle lui a carrément envoyé un tweet hier en lui disant. Avez-vous vu ma lettre ? J'attends votre réponse. Nous avons besoin de vos qualités de dirigeant. Donc finalement, en fait, je crois que c'est un Philippe pour François Hollande qui répond pas et un Philippe pour Rihanna qui espère vraiment avoir du leadership de la part de François Hollande. Je pense qu'elle a pas bien compris. Effectivement. Merci Cindy Aizarali. Rendez-vous bien dès lundi pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux. On reviendra ensemble ce week-end, samedi et dimanche, sur le meilleur de cette semaine. Rendez-vous d'ailleurs. d'ailleurs demain, si vous êtes du côté de la Grand Place pour un grand concert, nous fêterons ensemble la Fédération Wallonie-Bruxelles avec entre autres Soul, Puggy, Alice on the Roof et d'autres artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en direct et sur ça, la ligne notamment pas, hein, à 20h50. Ah bah oui, écoutez, mais il y aura, de la sécurité et surtout on va faire la fête ensemble sur la une. Restez presque sérieux, en tout cas c'est un état d'esprit que nous vous invitons à partager avec nous ce week-end et tous les jours de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, merci Fred Dubus, merci Edgar Schott, merci Vincent Fibussier, merci Raoul Reyers, merci Sylvia Isarelli, merci à vous de nous avoir suivis nombreux et nombreuses comme tous les jours de la semaine. Rendez-vous avec l'information sérieuse cette fois-ci, Arnaud Reussen pour Soir Première. On se retrouve nous demain dès 16h pour le best-of de C'est Presque Sérieux. Jaguar présente le Art of Performance Tour du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement à partir de 299€ par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. La première présente le Tempo Color, un festival urbain pour d'autres visions du monde. Au programme, concerts, expositions, débats, animations, fanfares, théâtre de rue. Une manifestation gratuite et solidaire pour tous. À Liège, les 23, 24 et 25 septembre. Info tempocolor.be. Tempocolor.be. Avec la Wallonie et la ville de Liège. Ce dimanche 25 septembre, c'est le Loyalty Sunday chez Galeries Hainaut. Ne le ratez pas, vous profiterez de moins 20% sur une grande sélection de marques dans tous nos magasins. Tous les styles vous y attendent. En plus, les bons Loyalty sont acceptés.